chers amateurs de rock progressif, à cette nouvelle émission de Rock de Neurones, ce qui se trouve à être aussi la dernière émission de la saison 2018-2019. On va laisser la place au baseball des Aigles de Trois-Rivières pour cet été, et moi, mais je vais en profiter pour réécouter, ressourcer et faire des projets d'émissions pour la prochaine saison en septembre. Mais d'ici là aussi, vous pouvez écouter en des émissions archivées là, si la nostalgie vous prend. Alors, aujourd'hui à l'émission, j'ai oublié de me présenter, c'est Jimmy Farley et je vais être avec vous pour les deux prochaines heures, durant lesquelles on va entendre beaucoup de nouveautés, dont Lucy in Blue de l'Islande. On aura United Progressive Fraternity d'Australie. On aura aussi Jordan Rudess des États-Unis, John Bigley d'Angleterre, Super Sister des Pays-Bas, Super Sister qui nous revient après plusieurs décennies là, d'absence. On aura Stratus Luna, aussi trois jeunes musiciens du Brésil qui nous proposent leur album homonyme d'ouverture. Et en fin d'émission, on aura Cevende de la Turquie et probablement vers le début, en fait au début du troisième bloc, j'ai une demande spéciale de Paul Baudouin de Shawinigan. Et il demande de faire jouer un musicien indien d'Inde, Yatin Srivastava Project. Alors, on débute pour le premier bloc de l'émission avec ce qui est habituellement consacré à l'album de la semaine. On a d'Islande, le groupe Lucy in Blue, qui nous propose leur deuxième album studio. L'album s'intitule In Flight. Et on a quatre extraits, Respire, Nivrandi, In Flight et Matricide. Alors, voici donc ces jeunes, quatre jeunes musiciens d'Islande. All around you. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le deuxième bloc, on va faire un petit retour en arrière où on a entendu la formation d'Islande, le groupe Lucy in Blue, et c'était quatre extraits qui ont occupé tout le bloc de leur plus récent album In Flight. Alors, deuxième bloc de l'émission est presque aussi un premier bloc dans le sens que la demi-heure va être complètement utilisée par un groupe, c'est United Progressive Fraternity. Ça, c'est un groupe qui est issu de la dissolution du groupe Unitopia d'Australie. C'est leur deuxième album. Le premier est paru il y a déjà 4-5 ans. Et le deuxième album, c'est Planetary Overload Part 1-Loss. Et ça, c'est un album assez généreux auquel a participé pas moins de 43 musiciens invités. Et parmi ces musiciens-là, il y en a deux Québécois. Il y a Michel Saint-Père, le guitariste de la formation Mystery. Et on a Claire Vézina, aussi une chanteuse québécoise. Claire, qu'on a fait jouer à l'émission à l'époque, c'est une chanteuse québécoise, comme je disais, qui, dans Prog Archive, a l'étiquette Crossover. Donc, c'est du rock progressif selon Prog Archive. Alors, Claire Vézina, moi, j'en ai fait jouer, je disais, c'était un extrait de l'album, ou quelques extraits de l'album Alambic, qui était paru en 2003. Alors, United Progressive Fraternity, eh bien, je vous propose deux extraits, donc, dont une longue pièce de 19 minutes. Alors, ça sera Dying to be Reborn et Seeds for Life. Alors, tout de suite, en musique, avec United Progressive Fraternity. Take a little time to be giant. Think of the world you'd create if you were God. Mix a bowl of stardust and energy, weaving the silver thread stretching beyond. And light up a little, light up a world where your love can abound. Light up a little, light up a world where your passionate life can be born. Become a creature of consequence, breathing an air that grows thicker each year. Everything you wanted, laboring, struggling harder to not disappear. And die just a little, in an atmosphere binding you down. Die just a little, die in this world until one day the mind is reborn. Everyone wants to be haunted. Everyone wants to be right. take a little time to be quiet. Feeling humility, sensing surprise. Maybe we know less than nothing. Maybe we finally can open our eyes and die just a little. Die to the atmosphere binding us down. North. It's as far north as you can fly on a regular airplane. We have samples of 864,000 different crop varieties. Our idea was to create a backup for all the different seed banks around the world. Bad things can happen to seed banks. There can be an earthquake, or a fire, or wars. You walk down a long tunnel. You get to a room that's minus 18 Celsius, and you're looking at boxes. This is what everybody's ancestors in the world have contributed to in an unbroken evolutionary line from the beginnings of agriculture to present. This diversity was not only the biological foundation, but it was what stood between us and catastrophic starvation. It's a sum total of all the traits and the adaptations that the crops have made in the past. It's also, at the same time, the future. It's everything that agriculture can be. To their reason. another day to plant again. Held in the vault, an altar of hope, hidden below in the depths of the cold. Priceless seeds more precious than gold. Seeds for life, seeds for the future. Seeds for life, for survival. More precious, so much to learn. Seeds for life and our children. Seeds for life, for the future. More precious than our children. Seeds for life must live on. Then grow and seeds of life, precious survival, seeds for life is the way. Grow, seeds for life. Yeah. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le troisième bloc, on va faire un petit retour avant la pause. C'était le groupe australien United Progressive Fraternity et deux longs extraits de l'album Planetary Overload Part 1. Ça, c'était, c'est paru il y a à peu près une semaine ou deux. Et on a entendu Seeds for Life et auparavant, c'était Dying to be Reborn. Alors, on débute ce troisième bloc avec un musicien indien. En fait, c'est une recommandation de Paul Beaudoin, un fidèle auditeur et ami de Shawinigan. Paul Beaudoin, qui fait à l'occasion des séjours en Inde, nous propose un musicien avec qui il est tombé en amour. C'est Yatin Srivastava. C'est un musicien qui a déjà trois albums studio à son actif. Le dernier, bien, il s'intitule Chaos Despair et on va entendre la pièce The Unknown. Et ensuite, bien, ça va être Jordan Rudess qui est le claviériste de Dream Theater. Il vient de produire Wired for Madness et on va entendre la pièce titre. Et en fin de bloc, nous aurons John Bigley. John Bigley qui est aussi connu comme étant le chanteur de la formation britannique ESP qu'on a entendu sur Rock de Neurone il y a une semaine ou deux. Et on va entendre un extrait de son dernier album. L'album, c'est As If et la pièce A Wing and a Prayer. Alors, on débute ça avec Yatin Srivastava. Thank you. Thank you. days I'd lost control of all that I believe. What is real? A flash of memory. Living in a shadow deep, a dark reality. Wake me up and bring me where I wanna be. Feel the cold lonely space, a hole that's just too deep. I start to tremble when I try to sleep. Letting go these chains that bind me, shadows all around. I will face down with delusion, tear this mass confusion down, down to the ground. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je rappelle aux auditeurs que la liste des pièces qui ont joué durant l'émission, ben, elle apparaît sur la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Alors, je vous invite à la consulter parce que c'est pas toujours facile de se rappeler des noms des artistes et surtout des pièces. Alors, ce sera disponible à partir de demain. Alors, on conclut l'émission, la dernière émission de la saison 2018-2019 avec un retour, moi, que j'attendais plus. Là, c'est Super Sister, un super groupe des Pays-Bas qui a été très actif avec 5 albums studio entre 1970 et 1974. Alors, ils reviennent après 45 ans. En fait, je devrais dire « il revient » parce que le seul musicien d'origine, mais c'est le claviériste Robert Jan Strips. Nous revient avec un très court album de 39 minutes. C'est quand même du bonbon. Alors, je vous propose deux pièces, « I am your are me » et « Yellow Days ». Ça va être suivi d'un jeune groupe de 4 musiciens brésiliens. Et c'est nouveau. Ils proposent leur premier album. L'album s'intitule « Stratus Luna ». C'est un homonyme. Alors, c'est le nom du groupe. Et en conclusion, bien, on va aller du côté de la Turquie avec « Jevende ». Ça, c'est un groupe que j'avais fait découvrir à plusieurs personnes lors de l'émission spéciale de la Turquie là, qui avait été diffusée au mois de mars. Alors moi, j'ai beaucoup aimé Jevende et puis je vous propose la pièce qui avait joué à l'époque. Là, c'est Esinti, c'est tiré de l'album Sen Balik de Gilson Key. Et je vais faire un petit montage avec en finale avec une autre pièce de cet album-là. Alors on débute avec Super Sister. Thank you. are us and we are he. She is you and you are me. Thank you. Les avait fermés là-haut, les temps nous dit mot, les civils là-haut. Dis-moi l'eau, on disclave de ça, on s'en en aille, va faut afficher. Zoom low down, c'est sur far, les envols, les silences, les satchelans. Et les eaux vont vivre l'un de l'or, et en des vos téléphones. Tour de Milan. Lesti vol di me, zo lesti mamma nasha di mai, zo lesti vol ma lai, adi che di ma lesti zema na mai su. Thank you. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un petit amalgame de pièces choisies de l'album Sen Balik des Gilzin Ki. Ça, c'est tiré de... En fait, c'est l'album du groupe GVND. C'est un groupe de la Turquie. Ça a été précédé par un extrait du premier album du groupe brésilien Stratus Luna. Et en début de bloc, bien, on avait deux extraits de l'album Retsis Repus de Super Sister. Alors ça met fin à la programmation musicale de cette 222e émission de Rock de Neurones et ça clôt aussi la saison 2018-2019. Et on va laisser la place cet été aux Aigles de Trois-Rivières. Et j'aimerais vous rappeler qu'on sera probablement en onde en septembre. D'ici ce temps-là, vous pouvez écouter des émissions qui sont archivées. Alors, vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et vous allez y trouver le lien qui vous amènera vers archive.org. De plus, l'émission que vous venez d'entendre est en rediffusion les mardis matins. Les dimanches matin de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et si vous avez un horaire qui vous empêche d'écouter ça en direct, eh bien, vous n'avez qu'à vous rendre sur SoundCloud et en tapant Rock de Neurones dans la barre de recherche, vous allez accéder à l'émission courante de cette semaine. Quoi dire d'ici? Bon, je peux vous dire aussi que la page Facebook contient beaucoup d'informations et vous surveillerez durant l'été. Je vais probablement faire des petites annonces ici et là concernant les nouveautés les plus attrayantes. Alors, c'est Jimmy Farley qui espère que vous avez aimé cette belle semaine de rock progressif. Et aussi la saison que je considère moi-même très réussie. Je m'envoie des fleurs, mais j'ai beaucoup aimé les émissions qui ont été produites cette année. Alors, c'est un rendez-vous pour l'automne prochain.